Le groupe Belussi, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Weekend. J'espère que vous allez très très bien, vous avez passé un bon week-end. C'est vrai que c'était le printemps, écoutez, nous aussi on en a profité. On s'est bien reposé, aujourd'hui c'est la grande rentrée des classes puisque les vacances de février sont terminées. Mais il faut toujours être très assidu à savoir si notre équipe des sports est au grand complet, comme vous, je l'espère. Vous êtes assidu au rendez-vous sportif de Top Chrono Weekend. Eh bien, on va prendre le pouls avec la technique, la Dream Team, car ils sont deux ce soir et honneur aux dames. Bonsoir Monique. Bonsoir Fred, bonsoir l'équipe. Et bien sûr, il y a notre ami Gilles. Bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs. Bien, Gilles qui était en vacances et qui est revenu rapidos avec nous pour participer à ce top chrono ce soir. Est-ce que je me suis trompé? Tiens, je vais demander à Jean-Yves de prendre une personne qu'on devrait rejoindre dans quelques minutes au téléphone, puisque je fais la présentation de cette émission, juste pour demander à monsieur Bibi Bougon, qui arrive tout droit du championnat de France de cross, il va bien. Tout à fait, ça va impeccable. Malheureusement, il me semble que j'ai ramené l'eau de là-haut, de la Loire. Bon. C'est comme ça. Bon, très bien. Et puis, notre charmante Marie, avec sa voix qui nous anime, qui nous enviole, dans cette émission. Eh bien, comment tu vas, Marie? Bonsoir tout le monde. Après une petite coupure lundi dernier, je suis de retour. Et ça, ça nous fait plaisir, puisqu'il y aura bien sûr le magazine Horizon dans quelques minutes. Mais pour démarrer, aux alentours de 19h45, nous rejoindrons Luca Damignani dans un petit quart d'heure, exactement, puisque maintenant, on va passer au sommaire avec Marie. Alors, nous aurons du rugby à 13, les news avec Jean-Yves et toute l'actu. Rugby à 15, on joue les matchs en retard, résultats et commentaires dans cette émission. Basketball National 1, le SAP coule à Saint-Vallier, simple faux pas ou rechute, réponse dans cette émission. Handball féminin, National 3, Mazan déroule face à Cannes. Le football, nous aurons les résultats avec Monsieur Foot ou Henri, réponse avec l'aide de GFoot 84. Athlétisme, Bibip France cross avec Bougon. Rallye de Vaison J-5 avant le départ, Elisabeth Bassotti au téléphone. Et nous aurons enfin en focus l'athlétisme championnat de France de cross avec notre invité Éric Fagot de Carpentras et bien sûr Bibi Bougon. Oh, voilà un sourire qui me plaît. On est prêt, Gilles est prêt. Juste avant de voir Jean-Yves s'il est prêt, il était avec Luca Damignani qui marque un petit peu le Pro D2 en rugby à 15. On va le retrouver dans quelques secondes. Jean-Yves d'abord, bonsoir, comment tu vas? Est-ce que tu as passé un beau week-end? Juste avant de lancer l'émission. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, j'ai passé un excellent week-end, j'ai vu des matchs sympas pendant le week-end. On y reviendra si tu le veux. Allez, on va y revenir tout de suite avec... Top chrono, rugby à 13. Eh bien, c'est l'actu et c'est bien sûr les news, Jean-Yves, puisque ce soir, tu as peut-être dans ton petit, ta petite mallette, dans ton petit cercle bien fermé du rugby à 13, quelques bonnes nouvelles à nous annoncer. Et puis, bien sûr, il y avait quelques matchs qui se jouaient dans des séries dont on ne met pas toujours en lumière dans cette émission. Ouais, alors il n'y a pas grand-chose à raconter sur le rugby à 13 ce week-end, Fred, à part une bonne nouvelle. C'est ça. Une excellente nouvelle pour nos auditeurs et pour la radio en général et les amoureux de rugby à 13, puisque les finales de la Coupe de France se dérouleront au mois de mai au Parc des Sports d'Avignon et Fly FM sera le diffuseur radio de cet événement. Donc on peut d'ores et déjà vous l'annoncer ce soir. Nous serons en direct du Parc des Sports pour diffuser la finale. Quel dommage que le SOA ait été éliminé il y a quelques semaines de cette compétition, parce que ça aurait pu être sympa de diffuser une finale avec le SOA. En tout cas, il reste quelques belles équipes et très probablement qu'on aura quand même un beau spectacle. Alors, la belle nouvelle, c'est surtout nos amis d'Entraigues qui jouaient ce match en retard. Ils sont allés gagner le match qu'il fallait, parce que maintenant, on peut dire qu'Entraigues passe sur une place dans cette élite 2, mais on va dire qu'ils sont un petit peu plus assis après cette belle victoire à l'extérieur. Écoute Fred, ouais, il y avait un match en retard, hein, puisque les Entraigois avaient été obligés de décaler leur match contre Montpellier il y a quelques semaines. Ce match s'est joué hier, c'était d'ailleurs le seul match d'élite à jouer. Et Entraigues est allé s'imposer à Montpellier au stade Sabaté sur le score de 44 à 20. ce qui replace les Antriquois dans le peloton de tête avec 22 points, juste à un point derrière nos amis carpentraciers, sachant que les carpentraciers ont joué un match en plus. Alors ce match face à Carpentras, parce que c'est quand même un derby qui va avoir son pesant d'or, et ça va être un derby très intéressant et à la fois très acharné, comme on aime voir ces derbies dans cette Elite 2. C'est pour quand, tu sais pas, Jean-Yves? Fin mars, me semble-t-il, Fred. Il faudra vérifier. En tout cas, c'est sûr, on y sera. On y sera. Ce match-là, il faudra le suivre très précautionneusement. Il faudra être là-bas parce que c'est un match qui va décider de pas mal de choses. Et puis déjà la suprématie du Comtat Venaissin. On se rappelle que les Antriquois avaient été défaits à la Roseraie pour l'ouverture du championnat de peu, après avoir longtemps mené au score. Et puis on a l'impression que les forces se sont équilibrées entre les Carpentraciens et les Antriquois, hein, puisque les Carpentraciens sont quatrième du championnat avec 23 points et 12 matchs joués. Et on retrouve les Antriquois à la sixième place avec 22 points, mais 11 matchs joués. Ça veut dire que potentiellement les Antriquois sont devant nos amis Carpentraciens. Et bien, ça nous promet une jolie fin de championnat, en tout cas entre ces deux équipes. Et puis ça permet aux Antriquois d'espérer se qualifier pour les phases finales. Et surtout ce derby qui aura un intérêt tout particulier, parce que le problème pour les entraîneurs, et tu les connais bien, ces Antriquois, c'est déchiffrer un petit peu le jeu de Carpentras, qui est, on va dire, volatile. Des fois, ils peuvent battre n'importe qui, et des fois, ils vont perdre bêtement parce qu'ils ne jouent pas le jeu. Quoi. C'est indéchiffrable. Les Carpentraciens qui sont capables d'aller battre Villefranche d'Aveyron, le premier sur leur terrain, avec un score assez important, puis qui sont capables de s'effondrer sur leur terrain la semaine d'après à la Roseraie contre Pipo et Bimbo. C'est juste incroyable cette équipe de Carpentras, mais malgré tout qui fait quand même un bon championnat, hein, puisqu'ils sont dans le peloton de tête, ils ont 23 points, le premier en a 26. Voilà, les deux équipes de régionales, les deux équipes du Comtat font toutes les deux un joli championnat. C'est la fin du championnat s'annonce palpitante, Fred. Allez, on passe. Parce qu'il y a encore des infos. Alors... Je voulais dire un dernier mot sur la Coupe Barbier. C'est une nouvelle compétition qui sert un petit peu de coupe régionale pour les clubs de fédéral. J'ai assisté ce week-end, hier, à la victoire de nos amis de Caumont sur leurs homologues de Apt, sur le score de 20 à 12, me semble-t-il. Eh bien écoute, merci de les me mettre un petit peu... qui seront donc en finale, et on attend que le prochain match désigne l'adversaire des Comontois. Eh bien, on est très heureux d'avoir dans cette émission des nouvelles des tout petits clubs que l'on ne met pas bien souvent en lumière dans cette émission. Eh bien, c'est bien de savoir qu'à Caumont, il y a toujours du rugby à 13. Ah oui. Et à Apt aussi. Alors, il y a du rugby à 13 à Apt avec les Ocriers. Les Ocriers, c'est le... une émanation de l'ancien Apt 13 il y a quelques années. Ils ont changé de couleur, mais c'est toujours les mêmes têtes, on voit toujours les mêmes têtes. C'était marrant de retrouver tous ces gens hier. Quant au Comontois, et bien ils sont en train de petit à petit de se restructurer autour de deux joueurs emblématiques, deux anciens très grands joueurs qui sont aux commandes de l'équipe. Je pense à Lulu de Macedo. On ne présentera plus Lulu, hein, il est passé par le Pontet, Entraigues, Avignon. Multiples fois sélectionné en équipe de France, Lulu. Il est l'entraîneur en chef de cette équipe et le manager général, Fred, tiens-toi bien, c'est un ancien Kiwi, un mec qui a joué pour la Nouvelle-Zélande et qui s'appelle Danny Lima, qui avait joué à l'époque au Dragon Catalan. Et ben voilà, Danny, maintenant, il est retraité du rugby à Caumont et il est manager de cette équipe de Caumont. Et ben on a vu des trucs sympas hier. Ouais, on se croirait presque dans un scénario de film qui s'appelait Le fils à Joe. C'est ça, on retrouve. On retrouve d'anciens joueurs, d'anciens bons mecs, ben, tant mieux pour le rugby. Top chrono, rugby à 15. Allez, rugby à 15, et ben oui, juste avant de parler un petit peu du rugby régional, passons un petit peu au rugby national avec la Pro D2 et un joueur qui ne fait que défier la chronique, c'est bien sûr Lucas Damignani qui joue à Béziers qui a manqué, on va dire, presque chippé une belle victoire du côté de Biarritz qui les aura glissés dans les dernières minutes. Mais quel retour de Béziers qu'on attendait cette année parmi, on va dire, le top 5, le top 3 en début de saison, un début de saison saison catastrophique et de jeunes joueurs. Le pari a été lancé par les entraîneurs de cette équipe de Béziers qui ont changé, hein, puisque c'était Manuel Mons et aujourd'hui c'est David Ocagne qui a repris un petit peu le groupe. Et cette équipe de Béziers qui monte tout doucement, crescendo, mais qui s'est un petit peu déjà sauvée. On verra vendredi prochain la venue de Dax, très important. Et on a au téléphone le joueur qui devient un petit peu, on regarde tout le rugby français, c'est Lucas Damignani. Nos amis de Eurosport 2 en enfant ont fait déjà une première lumière. Il a été mis en lumière puisqu'il a marqué deux fois les deux derniers matchs, deux belles essais en bout de ligne. On est très heureux de l'avoir. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Alors Lulu, c'est vrai qu'on t'a fait une présentation un petit peu très prononcée, ouais. Mais c'est normal, c'est tout à ton honneur, c'est pas nous qui faisons l'actualité, mais c'est toi qui te mets en avant grâce à ton rugby, puisque Midi Olympique t'ont donné deux étoiles suite au match qui s'est passé à Biarritz. C'est pas pour rien, ça veut dire quelque part on est en train un petit peu de monter crescendo. Est-ce que cette nouvelle cape te fait pas peur? Est-ce que tu es prêt à relever ces défis? Non, bah après, si, c'est toujours bizarre de, voilà, d'être dans les cités, on va dire, à chaque fois, c'est depuis deux matchs sur une idole, être dans les bons joueurs, mais ça fait pas peur, au contraire, tant mieux, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, mais qu'il faut continuer à travailler, quoi. Ouais, parce que ce week-end, il arrive un gros match, Dax, qu'a dit David Ocagne après la sortie de Biarritz? Il était un petit peu frustré, puisque vous avez laissé le point de bonus offensif après, sur place. Il fallait, on était un peu frustré, au moins de revenir, hein, on est revenu avec zéro point, quoi. À la fin, on prend cette pénalité qui nous donne le point de bonus défensif, donc on aurait aimé au moins revenir avec un point. Voilà, au vu du match qu'on a fait, je pense que ça n'aurait pas été bourré. Après, voilà, on essaie de se reconcentrer, on déjà commence à se reconcentrer sur Dax, et voilà, il va falloir faire un gros match ce week-end contre Dax, pour qui est juste devant nous, pour essayer de leur passer devant, et voilà, remonter petit à petit au classement. Et on sent quand même un groupe de Béziers qui est devenu, vous êtes une bande de copains, on sent qu'il y a quand même une fraternité, vous encouragez, on voit sur le terrain qu'il y a quelque chose qui est né. Je ne dis pas que Manuel Moine, ouais, savait, mais David Ocagne a amené ce plus, non? David Gérard, comme tu dis. Mais je pense que c'est différent, c'est une management qui est un peu plus à la française. Donc voilà, c'est différent, et peut-être qu'il fallait ça pour les joueurs, mais... Voilà, au début avec Mani, ça a très bien marché l'an dernier. Donc là on voit que le groupe, depuis qu'il a été remanié, ça marche bien. Et puis c'est plus facile quand on gagne, le groupe dit mieux quand on gagne, c'est logique, quoi. Et ce jeu imaginatif, hein, parce qu'on t'a vu plusieurs fois venir franchir le premier rideau défensif, et pas peur de prendre un carton, comme on dit. Est-ce qu'il n'y a pas de retour? Il n'y a pas de petit bout? Non, mais après, pas sûrement, moi, je veux dire, je viens. Écoute, je suis derrière les gros, et tu vois, je me fais directement la passe à moi, donc c'est pour ça, et je viens directement. Bon, après, il fallait conserver la balle sans perdre de terrain, donc j'ai essayé d'en perdre le moins possible, mais bon, voilà. C'était un fait de jeu qui n'était pas programmé. Lucas, on a l'impression que toi, à titre personnel, et je sais que tu n'aimes pas trop qu'on te mette en avant, et parce que le rugby c'est une sorte d'équipe, mais à titre personnel, on a l'impression que toi tu prends une autre dimension, que tu viens plus te proposer par rapport à ce que tu faisais en début de saison, ou même la saison dernière quand tu avais joué ton premier match en Pro D2. Tu n'hésites pas à prendre plus d'initiatives, à venir te proposer dans des endroits où tu ne serais probablement pas venu te proposer en début de saison. Et peut-être ça qui te permet de franchir un palier, non? Je suis d'accord, avec toi. Hein. Après, tu prends un peu plus de confiance, je commence à connaître mes coéquipiers. Parce que voilà, moi c'était la première année avec eux. Donc après, voilà, il faut savoir avec qui, avec qui tu joues au centre. Voilà. Après, je sais, quand je joue avec Jordan, il faut essayer de venir souvent en hauteur parce qu'il arrive toujours à passer les bras. Donc voilà, il faut que je m'adapte un peu équipé. Mais c'est vrai que effectivement, j'essaie de me proposer un peu plus, de prendre plus d'initiatives et voilà, pour essayer d'apporter plus à l'équipe, quoi. Ouais. Cette équipe de Biarritz, hein, on a entendu le troisième ligne à la mi-temps avec nos amis d'Eurosport 2, ont été complètement déboussolés, ont été surpris par cette entame de jeu de Béziers. Vous allez faire un petit peu le même, vous allez rester sur le même schéma tactique face à Dax? Ouais, on va essayer de rester fidèle sur nos bases et très agressif en défense. Et puis voilà, après que voilà, sur les premiers temps, voilà, on sait qu'en premier deux, les 20 premières minutes, il y a beaucoup de jeux au pied qu'on ne sait plus voir, soit Razan, des chandelles, tout ça. Donc hein, il va falloir essayer d'être sûr ça pour bien sortir du camp et après remettre la pression sur l'adversaire. Mais bon, on va voir la stratégie qu'on va adopter, on va l'élaborer durant cette semaine. dis-moi, tu es dans les 23? Tu crois pas essayer à 3 heures? On n'a pas encore eu le groupe, je ne sais pas. C'est très pro, ouais, attention. C'est hein. Quand c'est vendredi, vendredi ou samedi soir, Lucas? Ouais, vendredi soir. Vendredi à 20h. Bon, on essaiera d'être apaisé parce que moi j'ai envie un petit peu de redéplacer pour et l'équipe de Fly FM mais, aussi. Envie de se déplacer. Avec grand plaisir. Vous me dites et ça avec grand plaisir. On essaiera d'être là, Lucas. Si tu es dans les 23, on viendra t'encourager, promis. Avec grand plaisir et moi je m'occuperai que pour qu'on soit ensemble après et tout, donc ça marche, écoutez. Merci voilà. De m'avoir invité. Merci à toi. Et si vous voulez prendre une nouvelle bien sûr de Lucas Damignani, vous allez sur Facebook dans la rubrique de Béziers Héros du rugby club. Vous verrez, il y a des news, il y a des commentaires, il y a aussi la composition de l'équipe jeudi, me semble, qu'il a mettre en ligne. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est le jeudi soir. Ouais. Voilà, et puis si vous voulez des places, bien sûr, vous allez sur le site de l'ASB Héros et l'ASBC Héros et vous aurez bien sûr, pourquoi pas, vous pourrez prendre des places pour aller au stade de la Méditerranée, coup d'envoi à 20h, entre Béziers et Dax. Et on espère qu'on va avoir un très très grand match, puisque là, c'est quand même c'est le match du maintien total pour cette Pro D2, c'est bien ça. Hein. C'est un match qui va compter, Lucas. C'est un match qui va compter, celui-là, non? Ouais, c'est un match qui va compter. C'est le match à ne pas perdre, probablement. Pardon, j'ai ça coupé. C'est le match à ne pas perdre, très probablement, celui-là. Hein. C'est, c'est le match qui compte le double. Ne pas perdre, hein. Ouais. Ça fait partie des matchs à ne pas perdre, c'est clair. Surtout, fait partie des matchs que si tu gagnes, ben, tu respires. Oui, bien sûr. Et voilà, tu te déplaces plus sereinement, t'es pas... Voilà, tu te libères, quoi. Tu gagnes une place au classement, je crois que tu passes 12e ou 11e. Ouais, donc, c'est ça. Ça va mieux, quoi. Tu te rapproches plus du ventre mou que des relégables. Exactement. Mais attention à cette fin de saison de Béziers, mais nos confrères de Eurosport 2 se méfient. Parce que si vous auriez gagné à Béziers, à Biarritz, on serait été plus pour voir qualifié pour les phases finales. Hein. Ouais, exactement. Ouais, c'est pour ça. Ça s'est joué à rien. C'est joué à rien, mais bon, c'était si on gagnait à Biarritz, ouais, c'est déjà dans le ventre mou. Là, si on gagnait contre Dax, hein. Mais bon, avec des filles, on refait le championnat. En tous les cas, rien que pour toi, c'est une très très belle saison et on est très heureux pour Bédarid, pour les dirigeants de l'ASB et surtout pour le public vauclusien qui te suit, hein, puisque maintenant, je m'excuse de le dire, mais bien souvent. Dans mon magasin, eh bien, c'est de toi qu'on parle le plus souvent, quoi, parce que les gens te regardent sur Eurosport. Lucas, juste une dernière question. As-tu sécurisé ton avenir ou pas encore? Parce qu'on parlait de toi la semaine dernière dans le Midi Olympique. Ouais, on t'a annoncé de retour à Narbonne ou tu vas rester à Béziers? Tu peux en parler ou c'est encore un peu verrouillé là? Écoutez, ça s'éclaircit. Ouais. Ça s'éclaircit, on va dire, mais... Bon, d'accord. Je vous lâche une petite info. Normalement, ça devrait s'éclaircir pour le club de Béziers, voilà. D'accord, ok. C'est pour le mieux. C'est pour ça. Voilà, mais dans les jours à venir, ça devrait être. Voilà, il devrait avoir une réponse officielle d'un des deux clubs. Donc voilà. C'est pour le mieux, Lucas. Merci. En tous les cas, c'est Béziers qui t'a révélé. Et c'est vrai que peut-être si tu restes encore à Béziers. Voilà, puis après, après on verra. Dans les jours à venir, au pire, voilà, je reviendrai sur le plateau, je reviendrai avec vous. Quoi. Volontiers. Voilà, quand ça sera fait, au moins on en discutera. Et voilà, et pour en revenir, moi aussi, je suis très fier d'être vauclusien. Donc, écoutez, si les gens dans le Vaucluse sont contents, moi je suis content aussi d'être vauclusien. Et voilà, je suis fier d'être arrivé ici, d'être de Bédarrides surtout, et voilà, d'être allé dans le Vaucluse. Merci Lucas, merci pour ces belles paroles et puis on te souhaite un bon entraînement et une bonne préparation pour ce match. Allez, face à Dax. Salut Lucas, merci. Ciao. Allez, ciao. Bye ciao, bye. Ciao. Bisous. Voilà, on était avec Lucas Damignani, on a pris bien du plaisir, Jean Guivet, maintenant on va voir un petit peu le résultat. Parce que c'est un garçon charmant et à la fois on a. C'est vrai qu'il y a la discussion et il reste très humble sur ce qu'il est. Écoute, on va pas présenter Lucas, on va pas faire comme si on le connaissait pas, on le connaît tous les deux très bien, toi même bien mieux que moi. Mais en tout cas, ce qui est rassurant avec un gamin comme Lucas, c'est que il traverse ça comme s'il jouait encore en cadet à Bédarrides, quoi. Il se rompt pas la tête, il franchit les étapes, en ce moment il en franchit des belles. Et il reste toujours égal à lui-même, toujours dispo, toujours humble, toujours tranquille. Il mérite ce qu'il a. Voilà, belle page sur Lucas Damignani qui joue à la ASBCH. Oui, on est en train de me dire que, bien sûr, bah, écoutez, c'est Monnier qu'on le sait, hein, il faut passer la pub. On se retrouve juste après pour les quelques résultats que nous avons en notre possession.